Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Mikhail Gorbatchev et la fin de l'URSS. Au départ, les idées communistes, j'y croyais. Et c'est quand j'étais au parti, quand j'ai commencé à faire de la politique, au fur et à mesure, plus j'accumulais d'informations, plus je comprenais que ce système ne fonctionne pas. Le modèle est mauvais. J'ai compris qu'il fallait le remplacer. Ce n'est pas l'idée socialiste qui a subi un échec. Et c'est comme ça que la période historique a commencé. C'était 1988. Mikhail Gorbatchev à l'émission française Tout le monde en parle le 15 décembre 2001 en voulant changer le système en place en URSS avec ses deux grandes réformes qu'ont été la perestroïka et la glasnost. Mikhail Gorbatchev a en fait conduit son pays à l'éclatement. En 1990, on va lui décerner le prix Nobel de la paix pour son rôle justement dans l'effondrement du mur de Berlin et du bloc de l'Est. Mais dans les faits, quel objectif poursuivait Gorbatchev et quel bilan peut-on faire de son action politique avec le recul? Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Bernard de Rome à Montréal. Eh bien, l'événement qui survient aujourd'hui en ce jour de Noël est d'une ampleur telle qu'on se demande vraiment si on réalise ce qui se passe. Aujourd'hui, Mikhail Gorbatchev, qui depuis 6 ans était à la tête de la deuxième puissance au monde, s'est résigné à démissionner et sa démission, en même temps, se trouve à sceller la disparition d'un pays, d'un empire même, l'URSS. Ça n'est pas rien, ça. En tout cas, Gorbatchev n'a pas mâché ses mots. Alors, d'entrée de jeu, Gorbatchev dit qu'en raison de la situation qui prévaut actuellement, je mets fin à mes fonctions de président de l'URSS. Mais il ajoute, je reste fidèle à mes principes, ceux qui m'ont inspiré dans la défense de l'idée d'une nouvelle union. Sa démission n'est pas une démission face aux événements. Il dit, la ligne du démembrement du pays et de la dislocation de l'État a gagné, ce que je ne peux pas accepter car j'y vois de grands dangers pour nos peuples et pour toute la communauté internationale. Et il remercie enfin tous ceux chez lui ou à l'étranger qui l'ont appuyé, et il termine ainsi. Je me démets de mes fonctions de président. Je vous souhaite à tous tout le bien possible. Bernard de Rome, lors d'une émission spéciale présentée au moment de la démission de Mikhail Gorbatchev le 25 décembre 1991, pour nous parler du parcours politique de Gorbatchev, du rôle qu'il a joué aussi dans l'effondrement du Bloc de l'Est. Je retrouve avec plaisir l'historien André Champagne. André Champagne, bonjour. Bonjour Jacques Beauchamp. On va commencer par parler, on va faire ça en deux temps. On va parler de l'Occident d'abord, puis ensuite de l'ex-URSS et de la Russie d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il représente, Mikhail Gorbatchev, d'abord en Occident aujourd'hui? Ben, il est adulé, il est reconnu comme le grand responsable du démantèlement de l'URSS, celui qui a compris que l'URSS n'avait pas les moyens de ses ambitions, que l'URSS ne pourrait pas gagner la guerre froide et que, comme il le dit lui-même, le modèle était défectueux. Oui. Et puis, en Occident, on a apprécié ça, d'autant plus qu'au moment où il devient secrétaire général du parti, en mars 1985, Ronald Reagan est président. Et depuis que Ronald Reagan est président, le ton s'est durci considérablement entre Moscou et Washington. Et au début des années 80, rappelons aux auditeurs qu'il y avait un mouvement pacifiste massif en Europe et en Amérique du Nord. On craignait vraiment, vraiment la guerre nucléaire. On craignait l'accident nucléaire. Et arrive Gorbatchev et soudainement, l'ouverture à l'Occident. Gorbatchev développe de très bonnes relations avec Reagan et Gorbatchev fait comprendre au gouvernement soviétique... Avec pas vraiment de conviction de la part des membres du gouvernement, qu'il faut tout simplement réduire le budget militaire, qu'il faut réduire les engagements extérieurs parce que l'économie doit être complètement réformée. Donc, du point de vue occidental, l'homme de l'ouverture, absolument, assez clairement. Vous dites aussi, on l'apprécie. Oui, puis on parlait de Gorbimania. Oui, on parlait de Gorbimania. Rappelez-vous, en 1989, là, quand il fait sa visite officielle en Allemagne de l'Est là, pour le 50e anniversaire du régime, que disent les Allemands de l'Est qui veulent sortir du communisme? Gorbi, Gorbi, Gorbi, ouais. Gorbi. Pourquoi? Parce que pour eux, Gorbi, c'est l'homme qui représente la sortie du système. Ouais. Mais ça, évidemment, ça n'a pas plu sur le coup, en tout cas à tout le monde, parce que vous dites, oui, homme de l'ouverture pour l'Occident, l'espoir pour ces Allemands de l'Est qui voulaient sortir du système, comme vous le dites. En même temps, vous avez parlé d'effondrement de l'URSS. Parce que c'est ça, Gorbatchev. Ces réformes mènent à l'éclatement de l'URSS, de son pays. Comment il est perçu je dirais même aujourd'hui, mais si on remonte à l'époque, puis aujourd'hui, comment ça a évolué à l'Est, en Russie, en ex-URSS? Comment on le perçoit, Gorbatchev? Comme le responsable de tous les malheurs qui se sont abattus sur la Russie au cours des années 1990, encore? Oui. Pensez à ce que dit Vladimir Poutine, que le démantèlement de l'URSS, c'est la plus grande catastrophe géopolitique du 20e siècle. Quand Poutine dit ça, il a l'assentiment de la grande majorité des Russes. Cette grandeur pourquoi? Perdue. Parce que, oui, le niveau de vie était bas, mais on avait le sentiment d'appartenir à une grande puissance. Ouais. Il y avait un empire soviétique. L'URSS dominait les républiques, dominait l'Europe de l'Est. Il y avait une certaine fierté. Il y avait une fierté face aux grands défilés militaires. Il y avait une fierté face à la peur que l'URSS inspirait à l'Occident. Ouais. Et avec Gorbatchev, en l'espace de 6 ans, tout s'effondre. Et en plus de ça, les réformes qu'il va initier vont accentuer tous les dysfonctionnements qui régnaient dans le pays, parce qu'au départ, ce qu'il voulait, c'était tout simplement mettre fin à cette période de stagnation brejnevienne qui avait suivi les tentatives de réforme de Khrouchtchev. Et ça nous amène à nous poser cette question incontournable quand on réexamine le parcours de Gorbatchev. Est-ce qu'il s'est pas fait lui-même dépasser par ses idées, par ses réformes? Tout à fait. Est-ce qu'il voulait, au fond? Ce qu'il voulait, c'était... Il voulait sortir de la période de stagnation. Ouais. Pourquoi? Parce que l'URSS, au début des années 80, c'est un État qui est en état de décrépitude avancée. Sur le plan économique, sur le plan social, l'alcoolisme fait des ravages. Il n'y a rien qui fonctionne. C'est les pénuries pour tous les produits de consommation, pour la nourriture. Les Russes perdent des heures et des heures chaque jour dans des lignes d'attente. Il y a une espèce de ressentiment, de désespoir, de cynisme de la population qui se fait promettre les lendemains qui chantent depuis la révolution de 1917 et qui a soif de consommation, qui a soif d'une hausse du niveau de vie. Donc, il veut réformer le système. Exactement. Mais il ne pense pas qu'il va s'écrouler. Ce n'est pas son objectif. Pas du tout. Non, au contraire. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que Gorbatchev, c'est un enfant de ce qu'on appelle la génération de 56, la génération du 20e congrès, la génération d'une certaine ouverture. Gorbatchev croit qu'on pourrait réformer le système tout en le maintenant, en retournant à la nouvelle politique économique initiée par Lénine au lendemain de la guerre civile en 1921, qui reposait sur tout simplement, une espèce d'économie mixte, une économie qui serait dirigée en partie, puis une économie privée qui reposait sur l'appui des capitaux étrangers puis des compagnies étrangères. Et en plus de ça, il s'inspirait un peu peut-être de ce qui est en train de se passer en Chine, mais il croyait, lui, pouvoir maintenir un régime communiste en introduisant graduellement, mais très graduellement, une certaine économie de marché. Ouais. Mais il n'avait pas de plan. Il est allé vraiment là, à tâtons. C'est l'improvisation. Mais c'est important de rappeler d'où il vient, de poser ces bases-là, parce qu'au fond, au départ, ce gars-là, c'est quelqu'un qui croit profondément au socialisme, au communisme, à l'URSS. C'est l'enfant du régime. Là. Il gravit tous les échelons. Mais tout à fait. Il est né en... Jeunesse communiste. Mais absolument. Alors, il est né en 1931 à Stavropol. Stavropol, c'est dans le sud de la Russie. C'est une région agricole. Ses parents et ses grands-parents, c'était des agriculteurs. Son père a participé, a œuvré à la collectivisation de l'agriculture dans cette région-là. Et puis, c'est un garçon qui était charmant, qui était brillant, qui était extrêmement curieux intellectuellement, que tout le monde aimait et qui était un brillant étudiant. Alors, il a fait les jeunesses communistes. Et puis, en 1952, il entre au parti. Oui. Et puis là, il gravit les échelons. Puis, ce qui est intéressant de Gorbatchev, c'est qu'il avait été admis à la faculté de droit de l'Université de Moscou. Et pour quelqu'un qui venait de Stavropol, c'est à peu près impossible à l'époque. Mais lui, étant donné sa personnalité, étant donné ses convictions politiques, étant donné ce que représentaient ses parents, qui pourtant avaient eu des démêlés pendant la Grande Terreur avec le régime, il a quand même été admis dans cette espèce de petit cercle privilégié. Ouais. Et puis, il a gravi les échelons. Puis en 1971, il est nommé premier secrétaire du comité du parti pour la région de Stavropol. Et il accède au comité central. Mais là, il se passe quelque chose. C'est que à Stavropol, il y a une station balnéaire extrêmement populaire auprès de l'élite du régime, ce qu'on appelle la nomenclatura. Et là, étant donné qu'il est le premier secrétaire de la région, c'est lui qui doit les recevoir et puis veiller à bien s'occuper d'eux. Alors, il va rencontrer Khrouchtchev, il va rencontrer Brejnev, il va rencontrer Soustov, et Andropov. Et il va se lier d'amitié avec Yuri Andropov, qui va succéder à Brejnev en 1982. Il va se lier d'amitié avec Mikhaïl Souslov, le grand responsable de l'idéologie du régime. Et grâce à ces contacts-là, il peut accéder vraiment au bureau politique, au Politburo, et puis il devient responsable. On lui confie le dossier de l'agriculture, étant donné ses origines rurales. La région rurale. Revient, voilà. Et le problème de l'agriculture, à la fin des années 70, en fait, tout au long du régime, c'est le problème fondamental de l'économie soviétique. Oui. Et en 83, c'est à ce titre-là, en fait, comme responsable d'agriculture, qu'il vient chez nous, qu'il vient au Canada. Et cette visite-là va être déterminante pour lui. Pourquoi, André Champagne? Décisive. Pourquoi? Parce que, bon, il est secrétaire de l'agriculture. Il vient au Canada. Et là, il fait une tournée du Canada avec l'ambassadeur soviétique au Canada, Yakovlev. Yakovlev était tombé en disgrâce au milieu des années 70. Pourquoi? Parce qu'il était le responsable de toutes les publications qui circulaient en URSS, mais il a osé critiquer le régime. Conséquemment, il est tombé en disgrâce. On l'envoie ambassadeur au Canada. Et là, Yakovlev, en tant qu'ambassadeur, voyage beaucoup au Canada. Se lie d'amitié avec Pierre Trudeau. Et en discutant avec Pierre Trudeau, en voyant le niveau de vie qui régnait au Canada, en voyant que l'agriculture canadienne performait alors qu'elle a sensiblement les mêmes conditions climatiques que l'agriculture soviétique, il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et lors de la visite officielle de Gorbatchev, il se produit ceci. Ils sont accompagnés tous les deux par Eugene Wallen, qui était à l'époque le ministre libéral de l'agriculture. Et il arrive un moment où Eugene Wallen invite Gorbatchev et Yakovlev à visiter sa ferme en Ontario. Et ce qui se produit, c'est ceci. C'est qu'en principe, Wallen devait se rendre à sa ferme, mais coup de chance pour Gorbatchev, son avion prend du retard. Il arrive 2 heures plus tard, mais en attendant l'arrivée de Eugene Wallen, Yakovlev demande à Mme Wallen, est-ce que vous m'autorisez à aller me promener dans vos champs avec le secrétaire d'agriculture? Aucun problème. Et ils vont marcher ensemble, en tête à tête, pas de traducteur, pas d'officiel auto. Ils peuvent se dire la vérité. Et Yakovlev lui dit, qu'est-ce que tu réalises depuis que tu es au Canada? Ben, il dit, ça ne fonctionne pas du tout. Ouais. Chez nous, ça ne fonctionne pas du tout. Alors, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut retourner là-bas, puis il faut tout changer. Et ça, c'est fondamental. Et c'est là que ça s'est produit au Canada en 1983. C'est la naissance, au fond, dans ce champ canadien de ce que va devenir la perestroïka. Parce que Gorbatchev, en 85, devient secrétaire général du Parti communiste. Et il y aura deux grandes réformes. La perestroïka d'abord. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Bon, la perestroïka, c'est tout simplement une espèce de tentative de réformer l'économie en introduisant une certaine économie de marché. Le problème, c'est que, évidemment, les fonctionnaires du parti, les fonctionnaires de l'État sont extrêmement rétifs, sont extrêmement hésitants. Pour eux, qui dit marché, dit évidemment capitalisme, dit libéralisation. Il faut libéraliser les prix, il faut repenser tous les circuits d'échange, il faut peut-être penser à emprunter à l'étranger. Et c'est clair que, étant donné qu'on ne sait pas trop comment procéder, parce qu'il n'y a pas de plan pour passer d'une économie dirigée à une économie de marché, alors on pilote à vue. Et ce qui se produit, c'est ceci. Et c'est que les fonctionnaires du parti, les vieux staliniens, les conservateurs, ceux que Khrouchtchev appelait les mangeurs d'acier, c'est-à-dire les responsables du complexe sidérurgique, pour qui toute l'économie soviétique, depuis la fin des années 20, depuis les réformes de Staline, toute l'économie soviétique était orientée sur la production d'acier et puis devait servir les besoins de l'armée. Et là, on leur dit, on fait fausse route, il faut tout réorienter. Alors, il y a des résistances. Et ces résistances-là sont très simples. Elles se disent, on va bloquer les réformes en bloquant le marché. On va ralentir encore plus l'approvisionnement des grands centres. En quelque part, tout s'est passé comme si les opposants à ces réformes ont saboté le régime pour accentuer le mécontentement. Ouais. Donc ça, c'est pour ce qui est de la perestroïka. On voit bien ce qu'ils voulaient faire, mais le système est tellement difficile à faire bouger. Puis l'autre grande réforme, ce sera sa fameuse glasnost. La glasnost. Ça, à mon avis, c'est l'erreur majeure. Parce que la glasnost, c'est la transparence. Qui parle de transparence parle de vérité, parle d'exposer la vérité, d'exposer tout ce qui ne va pas. La transparence, elle frappe un mur. En avril 86, quand survient la catastrophe de Tchernobyl. Un des réacteurs explose et le gouvernement soviétique attend 3 jours avant de dire qu'il s'était produit un accident. Parce que ce sont des Suédois qui sont aperçus que le niveau de radiation était plus élevé que la normale. Et à partir du moment où on critique Gorbatchev à l'Occident en disant « Tu parles de transparence, c'est pas vrai, vous avez tenté de cacher, de dissimuler la catastrophe. » Les vieux réflexes Alors à partir de là, il dit « Il faut vraiment que je respecte ma parole. » Alors, il fait l'erreur 1987, il fait une erreur majeure, à mon avis, qui va précipiter la fin du régime. Il libère la parole. Il dit aux journalistes de la presse écrite, de la télévision, dites la vérité sur tout ce qui ne va pas dans le régime, au pays. Et il dit également aux historiens, vous pouvez désormais dire la vérité sur le passé soviétique. Donc, tout le passé soviétique est révisé depuis Lénine, mais surtout la terreur stalinienne. Et ce qui se produit, c'est qu'à partir du moment où il libère la parole, où les journalistes peuvent exposer dans les journaux, dans les revues, à la télévision, tout ce qui ne va pas dans le régime, il fait comprendre aux gens qu'il faut tout changer, qu'on nous ment depuis des décennies. Il permet la dissidence aussi. Les journalistes et les intellectuels, tous ceux qui sont critiques du régime, peuvent s'exprimer librement. L'autre grand chantier, évidemment, à part la perestroïka et la glasnost, l'autre grand chantier de Mikhail Gorbatchev, c'est l'ouverture face à l'Occident, la politique étrangère soviétique qui est complètement revue sous Gorbatchev et qui va beaucoup, beaucoup passer par la question du désarmement. Ça va commencer avec cette première rencontre avec le président américain Ronald Reagan en Suisse en novembre 1985. Un petit mot pour nous parler de ce qui se passe à ce moment-là. C'est que les deux se disent, on ne peut pas penser à une guerre nucléaire. Il faut sortir du discours de guerre froide. Il faut reconnaître que une guerre nucléaire entre l'URSS et les États-Unis, ça serait la catastrophe. Conséquemment, il faut repenser tous nos rapports. C'est le début, donc, du désarmement et de la fin de cette logique de la guerre froide. General Secretary Gorbatchev, if you seek peace, Monsieur le secrétaire général Gorbatchev, si vous voulez la paix et la prospérité pour l'Union soviétique et les pays de l'Est, si vous souhaitez une libéralisation, venez ici et ouvrez cette porte. Come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, Mr. Gorbachev, Monsieur Gorbatchev, abattez ce mur. Tear down this wall. Le discours du président américain Ronald Reagan à Berlin le 12 juin 1987 et cette phrase désormais célèbre, abattez ce mur, Monsieur Gorbatchev. Il en est où? C'est à la fois prémonitoire de ce qui s'en vient, ce discours-là. C'est aussi le signe de cette transparence qu'a affiché Gorbatchev. Qu'est-ce qu'il pense? Où il en est, lui, Gorbatchev, au moment où Reagan prononce ses paroles? C'est très simple pour lui, l'URSS n'a plus les moyens de sa politique militaire. L'URSS doit réduire drastiquement son budget militaire, ses engagements extérieurs et tout simplement injecter massivement de l'argent dans la reconstruction économique du pays. Est-ce qu'il est prêt, André Champagne, à l'éclatement du soviétisme, à la chute du mur de Berlin? Non, il ne l'envisage pas du tout. Mais c'est que les résistances du complexe militaro-industriel, les résistances des vieux apparatchiks, de la nomenclatura, de ceux qui profitent du système, qui ont des privilèges, ce sont eux qui vont tout bloquer, ils vont bloquer systématiquement toutes les réformes et qui vont, à toute fin pratique, rendre la chute du régime inévitable. Ouais. La grosse erreur de Gorbatchev, c'est qu'il n'a pas vu venir le mouvement nationaliste indépendantiste dans les républiques. Ouais. Ça, c'est sa grosse erreur. Il était tellement centré sur ses rapports avec le parti, avec le complexe militaro-industriel, qu'il n'a pas vu venir le mécontentement qui régnait dans les républiques qui constituaient l'URSS. Et on a eu un signe évident en 1989 pour le 50e anniversaire du pacte Hitler-Staline où Hitler avait cédé les pays baltes à Staline. Rappelez-vous, c'est une grande chaîne humaine des citoyens baltes pour dire à l'URSS, nous voulons sortir de l'URSS. Et ça, évidemment, ça arrive, ça annonce en fait la chute du mur de Berlin en novembre 89, ça arrive juste avant parce qu'il finit par tomber, donc, ce fameux mur en 89. Et l'année suivante, le 15 octobre 1990, on décerne le prix Nobel de la paix à Mikhail Gorbatchev. Dans son bureau au Kremlin cet après-midi, Mikhail Gorbatchev a dit que le prix Nobel venait confirmer la justesse de sa philosophie politique. C'est une inspiration pour moi, dit-il, et me convainc de la justesse de notre choix, celui de la perestroïka et de la nouvelle pensée. Sur la scène internationale, la perestroïka a contribué à des changements spectaculaires, voire révolutionnaires. Mais en Union soviétique, ces triomphes diplomatiques n'impressionnent plus guère. Pour manger les pommes de terre cet hiver, les Soviétiques doivent aller les cueillir eux-mêmes. Les queues s'allongent. Dans cette queue, pour les vêtements d'enfants, le nom du lauréat du prix Nobel a suscité des commentaires amers. Qu'est-ce qu'il a changé pour nous, dit-elle? Rien. Notre vie était meilleure sous Brejnev. Un chef devrait être honoré par ses concitoyens d'abord, dit Nikolai Petrushenko. Mais très peu ici fait appel à notre fierté. Nous sommes le pays de magasins vides et de conflits ethniques. Ce qui aurait dû être une journée triomphale pour la présidence soviétique est devenu l'occasion pour beaucoup de l'assaillir de critiques. Le prestige international de Gorbatchev ne l'aide plus chez lui. Ici Don Murray, à Moscou. Fascinant ce reportage. On revient à ce qu'on disait au tout début de l'émission, André Champagne. En 90, Gorbatchev est adoré à l'Ouest, mais détesté à certains égards chez lui. Absolument. Pourquoi? Comme M. Murray l'a dit, les magasins sont vides. Ouais. Les attentes étaient tellement grandes que la déception est à la hauteur des attentes. Et pour les citoyens soviétiques, rien n'a changé. Au contraire, la situation, la situation économique, la situation de le ravitaillement, tout produit confondu, s'est détérioré. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils gagnent, eux? Rien. Et le prestige du pays s'est effondré. Ouais. Et pour Gorbatchev, c'est le début de la fin. En 91, vraiment, tout s'écroule. Il va perdre ce match, ce duel qui va le poser à Boris Yeltsin. Comment ça va se passer, sa chute à lui, sa fin? Bien, sa chute à lui, c'est qu'il y a... Yeltsin s'est fait élire président de la Fédération de Russie. Et ça a envoyé le signal à toutes les républiques que, oui, on pouvait sortir du régime. Et le 19 août 1991, les vieux conservateurs, les vieux staliniens ont profité des vacances de Gorbatchev sur les rives de la mer Noire pour tenter un coup d'État. Le coup d'État a duré 3 jours. Yeltsin a résisté au coup d'État. Il a incarné la résistance à Moscou devant le Parlement russe, la fameuse Maison Blanche. Et ce Yeltsin-là, c'est la Nouvelle Russie. Oui, exactement. Et les putschistes n'ont pas eu le courage d'envoyer les tanks contre la population. Et puis le 21, le putsch, évidemment, se délite complètement. Ouais. Gorbatchev revient à Moscou. Et puis 2 jours plus tard, le vendredi, devant le Parlement russe, il se fait dire par Boris Yeltsin. Boris Yeltsin arrive avec un papier, il lui demande de lire le papier. Le papier, que dit-il? Le Parti communiste est désormais interdit en Russie. Et quelques mois après, en décembre 1991, Yeltsin, le leader ukrainien Kravchuk et le leader de la Biélorussie annoncent officiellement la dissolution de l'URSS et de la constitution de la communauté des États indépendants et le 25 décembre 1991, démission. De Gorbatchev. Et depuis, Gorbatchev, bien évidemment, il a écrit ses mémoires, il a voyagé à l'Occident, il a sa fondation, mais aux yeux de la population russe, il incarne toujours vraiment le responsable de l'effondrement du régime. André Champagne, historien, ami de l'émission, c'était un bonheur de vous retrouver. Merci beaucoup, André. Ben, je vous en prie. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Jacques Lebrun. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.